Mesdames et messieurs, et surtout vous, clients acheteurs, bienvenue aux Galeries des Gratterons. Ses grands-parents se faire la guerre pour une place de stationnement. Petit Jésus, quelle déception. Toutes ces mamans prêtes à pécher pour s'emparer de la dernière poupée qui pue. Petit Jésus, délivre-nous, délivre-nous des cendres d'achat. Des fêtes paru dans les grands quotidiens de la fin de semaine dernière et que vous aurez au préalable fait valider votre code d'usager sur notre site internet. Chers clients acheteurs, magasinez en toute quiétude et confiez vos enfants à notre halte garderie située tout juste à côté du compacteur et déchets et administrée par l'association à but lucratif des pédophiles repentis dans le droit chemin. Chers clients acheteurs, vous n'avez pas tout dépensé vos sous? Eh bien, passez à notre centre d'emballage qui se fera un plaisir d'emballer vos cadeaux à votre place, moyennant un léger supplément de $50 par paquet.